Vous écoutez? La croche-oreille. Salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, heureux de vous retrouver à l'antenne de CKRL, la radio qui aime le son et qu'on s'intonise au 89.1 sur les ondes radio et à ckrl.qc.ca sur la toile. Gaëtan Gosselin au microphone, heureux de vous retrouver. Je vous propose ce soir, en reprise, un entretien avec le musicien, auteur, compositeur et créateur multidisciplinaire Michel F. Côté, une figure majeure de la création sonore du Québec. Michel fait partie de ces créateurs aux horizons multiples, un peu inclassables, rebelles aux idées toutes faites. Dans un entretien qu'il accorde au magazine Érudit, sous la plume de Fabienne Cabadeau, on touche du doigt la personnalité de l'artiste dont le credo combine la curiosité, l'errance et une affection toute particulière pour l'amateurisme. Multi-instrumentiste, Michel F. Côté entretient ses appartenances à de très nombreux groupes, Klaxon Gueule et Mecha Fix Clock, pour en nommer que deux là, que je vous ai présentés déjà. Michel F. Côté a travaillé dans le monde du cinéma, de la danse et du théâtre. Associé d'ailleurs à Catherine Tardy, il co-dirige la compagnie de danse montréalaise et Marianne et Simon. Chroniqueur, essayiste, il multiplie depuis une trentaine d'années des projets artistiques qui mobilisent toute une communauté d'artistes, des complices, quoi. Alors, parole à partir de maintenant à l'artiste Michel F. Côté, entouré de ses projets sonores. Alors, Michel F. Côté, bienvenue à l'émission. Très heureux de te rencontrer. Réciproquement, merci. Michel, tu as une carrière qui couvre vraiment un large spectre. La musique, évidemment, l'art sonore. Il y a aussi l'écriture que tu pratiques à travers cette collaboration avec le magazine S. Il y a la danse aussi que j'ai découvert là, en faisant mes recherches sur ton travail. Et il y a cette question que j'aime bien poser à mes invités. Quel a été le moment d'éveil à cet intérêt pour l'expérimentation sonore, l'expérimentation musicale, mais aussi pour l'art en général? Dis. Ben, j'imagine comme pour beaucoup d'autres individus, je dirais au début de l'adolescence, alors qu'on est tous et toutes troublés et que l'approche de l'art devient soudainement un refuge. Alors donc, la musique, beaucoup à l'époque, forcément, mais aussi l'art visuel et les arts de la scène en général, tout ça, et la littérature, bien sûr, tout ça devient une espèce de refuge dans lequel je peux trouver une sorte de paisibilité, ce que John Cage appellerait une sérénité unificatrice. Et ça s'est produit là. Et puis, ça n'a pas arrêté après, parce que je fus donc singulièrement happé par cette activité extraordinaire qui consiste à imaginer des choses non nécessairement utiles, mais absolument bienfaitrices, quoi. Michel, j'ai cru comprendre en faisant mes recherches que tu n'es pas issu en tant que tel de la formation classique de musicien. Tu as fait plutôt des études de communication, plutôt intéressé par les phénomènes de société, de la vie en société en général, n'est-ce pas? Oui, effectivement, j'ai pas étudié en art d'aucune manière. Je suis entièrement autodidacte à ce niveau-là. Étrangement, je ne ressentais pas le besoin. J'ai un parcours qui m'a conduit d'études collégiales en cinéma jusqu'à des études en anthropologie à l'université et ensuite en communication. Après ça, j'ai passé une dizaine d'années à la radio. C'était vraiment mon métier. Mais parallèlement, je développais donc un rapport de plus en plus intense avec la création sonore, avec la musique. Et soudainement, j'ai plongé dans le théâtre et la danse. Et là, j'ai tout arrêté pour me consacrer exclusivement à cette activité qui consiste à être concepteur sonore, en quelque sorte. Et voilà. Michel, si tu veux, histoire de se mettre un peu dans l'ambiance, on va écouter un premier titre. C'est tiré d'un album récent qui s'intitule « Elle est passée, soleil, pour éclairer mes jours ». C'est paru en 2020. On écoute la pièce « Fond infini » de l'Absolu. Thank you. Michel, on retrouve sur un site de présentation un texte qui dit que tu es un artiste qui s'aborde inlassablement son travail de musicien afin que rien ne se fige. Il y a dans cette affirmation l'idée que tu es porteur d'une vision artistique très singulière, d'une vision du monde, de la création. J'aimerais ce matin t'entendre là-dessus. Ben, ce qui est merveilleux avec l'art en général, c'est qu'on ne risque rien. Je veux dire par là qu'on peut prendre toutes les chances, on peut se mettre en danger de toutes les manières possibles, mais il n'y aura jamais mort d'homme, mort de femme. Alors tout ça, c'est de l'invention pure. Et il allait de soi pour moi que si j'allais m'engager dans une activité de création, ben, que j'allais le plus possible faire des tables rases, pas nécessairement par geste frénétique, mais tout simplement par goût de me réinventer. J'invente rien, quand je dis ça, évidemment, je suis pas le seul, mais encore une fois, Cage est une source d'inspiration, lui et tant d'autres, à savoir que, comment faire pour sortir de cette espèce de routine dans laquelle, depuis un petit moment, on s'est doucement enfoncé. Alors, comment réinventer son art? Comment reconsidérer l'approche que j'ai avec les sons, avec l'harmonie? Ici, on parle de chorégraphie et de danse avec l'espace, donc avec le temps en général aussi. Remettre en question ça, et comme musicien, dans la pratique instrumentale, pourquoi ne pas essayer de jouer d'un instrument que je ne connais pas? Même si j'en joue mal, peu importe, il surgira des choses de ça qui m'inspireront là où je suis plus, disons, habile ou performant, ou sinon je créerai des trucs qui seront inouïs pour moi et qui combleront ce besoin, cet appétit pour des découvertes nouvelles. Michel, tu as évoqué cette idée que la curiosité était vraiment au centre de tes préoccupations, au centre même de ton processus de création. D'où elle te vient, cette curiosité? Elle appartient à un code génétique en particulier? Elle est le fruit de rencontres, de hasards? Quelle lecture tu fais de cet intérêt, de ce penchant pour la curiosité? Ben écoute, plus génériquement, je dirais que ce principe, cette quête, cette curiosité est, je pense, dans mon cas et dans le cas de tous et toutes, une question de bagage génétique. Je pense qu'on est une espèce curieuse. Et oui, bien sûr, ici et là, il y a des choses qui peuvent, dans le parcours de nos vies individuelles, tendre à développer davantage le réflexe curieux. Mais je pense que l'espèce humaine est une espèce curieuse, il va de soi. Notre rapport à la science, notre rapport à découvrir et comprendre, chercher à comprendre tout ce qu'il y a autour de nous l'indique clairement. Et puis, il suffit de se laisser aller à ce penchant naturel pour qu'on devienne curieux et qu'on se serve de cette merveilleuse curiosité, je crois. Oui, en effet, Michel, on sent bien dans l'ensemble de tes projets de création cette grande curiosité, cet intérêt pour la polyphonie, je dirais, de tes productions difficilement classables. Alors, pour poursuivre, on va écouter cette fois un autre titre tiré de cet album, très beau, très bel album intitulé « Elle est passée, soleil pour éclairer mes jours », un titre intitulé « Chiwa ». Chiwa. Michel, il y a cet album tout récent que tu viens de lancer qui s'intitule Hydropathe à degrés. Tu racontes à propos de cet album qu'il est un pari musical solo créé en 2 jours sur 20 ans. Il me semble qu'il y a derrière cette petite phrase une histoire un peu énigmatique. J'aimerais ça t'entendre sur le processus de réalisation de ce projet Hydropathe à degrés. Écoute, c'est relativement simple. En 2002, à l'époque, il faut dire que je faisais beaucoup de trames sonores pour le théâtre et la danse. Donc, j'étais souvent en studio, seul ou avec d'autres musiciens et musiciennes que j'invitais pour travailler avec moi. J'avais beaucoup de temps, donc, et parfois, je réservais des journées entières en vue de tel travail pour telle production, mais la production n'étant pas assez avancée, donc j'avais une journée de studio libre à moi. Alors, j'en profitais parce que j'avais pas de studio maison à l'époque, que je travaillais presque exclusivement toujours au studio 270. De Robert Langlois. Et puis, je conservais toutes les journées que j'avais réservées pour ces productions. Et dans ce cas-ci, je me suis retrouvé le 3 janvier 2002 avec une journée de studio à moi et rien à transposer en musique, sinon que mes propres recherches. Alors donc, j'ai profité de cette journée-là pour enregistrer là où j'en étais, là où j'avais envie de fouiller un peu, en me disant, bon, je fais ça, ça sera pas une cueillette finale, je retravaillerai ces matériaux-là ultérieurement, je ne sais pas trop quand. Et puis, au fil du temps, tranquillement, pas vite, parce que j'ai toujours bien archivé mes trucs, je me disais, bon, cette session-là, je la réécoutais de temps à autre, est intéressante, il y a vraiment des bons matériaux. J'avais enregistré 10 improvisations, enfin semi-improvisations, et au fil du temps, je me suis fixé un échéancier, je me suis dit que dans 20 ans, parce que 20 ans, c'est quand même une bonne période de temps, ben que j'allais la retravailler, si possible. Peut-être que je serais rendu complètement ailleurs, peut-être que j'aurais cessé mes activités musicales pour m'étendre sur autre chose, mais toujours est-il que ça a fonctionné.

On écoute ça. Voilà ce qui complète la première demi de ma conversation avec Michel F. Côté. Restez des nôtres, on est de retour après un très bref battement en promo pour la suite de l'entretien. À tout de suite. Vous écoutez CKRL Radio. Vous écoutez La Croche Oreille. On est de retour, c'est la croche-oreille jusqu'à 22h depuis les studios de CKRL, le 89.1 sur les ondes. Je vous rappelle que vous retrouverez le titre des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-oreille ainsi que toutes les émissions archivées jusqu'à maintenant pour écoute quand ça vous tente. Vous trouverez ça très facilement sur la toile. Au programme de ce soir, en reprise, un entretien avec le compositeur, auteur et créateur sonore Michel F. Côté. Un artiste qui manipule les idées et les sons afin que rien ne se fige, dit-il. À son propos, on raconte que l'intranquillité et les détournements mineurs sont au nombre de ses préoccupations. Je ferme les guillemets. Depuis une trentaine d'années, Michel F. Côté a réalisé de très nombreux albums sous différents intitulés et collaboré avec de nombreux artistes, confrères, consoeurs du domaine artistique. J'en nomme quelques-uns. Sylvain Aymard, Jean de Rome, Bernard Falaise, Alexandre Saint-Onge, Diane Labrosse, Louise Bédard, Martin Tétrault, Brigitte Henkens, bon et j'en passe. Il aurait même créé des œuvres avec des artistes fantômes. Michel F. Côté m'accordait un entretien autour de ses derniers projets. On était à ce moment en 2021. Alors, je vous propose la suite dès maintenant. Michel, on sait que le travail collaboratif est crucial dans ta démarche. Je pense entre autres à tes projets Klaxon Gueule, Bruire. Il y a cet autre projet qui s'intitule Mika Fixes Clocks, qui me semble vraiment très singulier parmi tes nombreuses collaborations. J'aimerais bien qu'on parle de ce projet. Comment ça origine? J'aimerais que tu nous parles de ce projet très singulier. Oui, alors, on dit méca pour mécanisme, et méca plus largement est une espèce de mot qui désigne tout ce qui est robotique. Alors, Mika Fixes Clocks, MFC, ce sont déjà les trois lettres de mon nom, était un projet donc singulier dans lequel je devais, à l'époque, quand j'ai imaginé au début du 20e siècle, il y a une vingtaine d'années maintenant, c'était un projet solo dans lequel j'allais m'entourer d'une équipe de super musiciens que je renouvellerais à chaque fois, donc à chaque version de l'ensemble. Et c'était aussi dans une logique un peu rétro-futuriste, ou enfin plus science-fiction peut-être dans ce cas-ci. Alors, robot réparateur d'horloge. Alors, donc, je m'imaginais une musique dans laquelle... on travaillerait sur le temps, la dilatation du temps. J'avais aussi l'intention de faire des pièces plus longues que d'habitude, donc aller dans un univers qui était relativement différent de celui de Klaxon Gueule, par exemple, où on a surtout fait des pièces très courtes. Le premier disque, Orbiting with Screwdrivers, a été pour moi une expérience marquante, je dirais. Avec ce disque, j'ai eu le sentiment d'avoir trouvé une voix que je cherchais depuis un certain moment, et il a donné le ton au reste jusqu'au plus récent disque, Haute Sphère. Et c'est un ensemble, ou disons plutôt un projet que je chéris depuis toujours. Et puis, ben, je fais un peu comme dans Mission Impossible, pour ceux et celles qui se rappellent de ça. Alors, pour chaque disque ou chaque incarnation de Mika Fixes Clocks, j'ouvre ma boîte et je regarde mes fichiers. Puis là, je dis, ah oui, Martin Tétrault, bien sûr. Ah, Diane Labrosse, comment s'en passer? Et puis, voilà, je m'amuse. Et j'appelle les gens. En général, ils sont toujours disponibles et on se réunit en studio. Et voilà, on fait le disque. Et chaque session de Mika Fixes Clocks est toujours préparée, minutieusement préparée. Je ne donne aucune partition, mais je dispose de manière particulière les gens dans le studio. Soit je les isole, ou soit je fais un grand cercle, ou peu importe. Et puis, on travaille selon des consignes précises. Parfois, je demande aux cordes de débuter de telle manière, pendant tant de temps, et je dirige en quelque sorte en direct l'ensemble pour faire une récolte. Et puis, une fois la récolte faite, ben là, je passe beaucoup de temps en mixage et en montage, parce que j'avoue que je travaille beaucoup en post-production, ce que je fais. À moins que ce soit vraiment des projets enregistrés live en studio, et puis on ne touche plus à ça après. Mais Mika Fixes Clocks a toujours été un projet studio avec beaucoup de travail de post-prod, je le répète. Michel, tu l'as cité, Orbiting with Screwdrivers, c'est paru en 2005, puis on va écouter une pièce qui s'intitule Reaper's Clicking Hands. Thank you. Michel, ta pratique artistique, tes réflexions sont grandement à la fois conditionnées, influencées par la pratique interdisciplinaire, multidisciplinaire, mais aussi dans les lectures, dans une entrevue, je pense, que tu donnes, tu dis aussi par l'errance, la curiosité, parfois même un peu par l'amateurisme. Et j'aimerais ça t'entendre sur... qu'est-ce qui a changé dans ta production depuis le début, sur le plan sonore et musical, parce que l'univers musical est aussi en arrière-plan. Est-ce que c'est subtil, des transformations, ou s'il y a quelque chose qui avance et qui se transforme avec le temps dans tes projets de création? Ben, disons que l'idée de la transformation ou de la mutation permanente est, oui, au cœur de ma quête artistique, certainement. Alors, le fait d'aller beaucoup dans le multidisciplinaire, donc de m'associer aux autres formes d'art nommées précédemment, est pour moi une source de ressourcement constant. Alors, c'est remarquable comme la danse a pu influencer ma création sonore. Même chose pour le théâtre, la littérature évidemment, et puis d'une certaine manière aussi le travail en art visuel. Alors là, il y a, j'irais même jusqu'à dire, une interdépendance pour moi. Je suis dépendant des autres arts pour faire progresser mon art musical, mon art sonore. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué? Ben, comme j'ai le sentiment d'être en mutation permanente, c'est difficile pour moi de dire ben, « il s'est passé ceci, cela ». Mais chose certaine, par exemple, il y a dans ma quête, dans ma curiosité, il y a des instruments nouveaux qui sont apparus. Comme par exemple, j'ai découvert un luthier... allemand qui fait des étranges instruments. Il est fait à la main. Il fait, entre autres choses, et je me suis procuré ça il n'y a pas tellement longtemps, l'équivalent d'un theremin, cet instrument qu'on joue avec les deux mains, les ondes radio, bon, le corps interagit, un instrument qui a été inventé avant la Deuxième Guerre mondiale, si ma mémoire est bonne, assez tôt donc au 20e siècle. Eh bien, cet inventeur allemand, contemporain, jeune, lui a inventé un theremin différent à quatre antennes et avec lequel on peut jouer des deux mains, mais il est polyphonique. Alors donc, ça devient presque un synthétiseur et puis il y a un patch cord là-dessus, donc on peut changer, modifier, ajouter plein de trucs. Donc, approcher de nouvelles lutheries, pour moi, est une manière, évidemment, de renouveler mon rapport au son en général. Ça, c'est un exemple. Il y en aura d'autres. Mon instrument principal est la batterie ou la percussion. Alors, modifier constamment la disposition de ma batterie. Alors, ces jours-ci, j'ai une batterie où j'utilise aucune cymbale, où je n'utilise plus mes pieds, mais j'ai une série de tambours minutieusement accordés, et puis ça me fait jouer différemment. Donc, prendre des petits risques internes et ne pas avoir peur de me retrouver en situation d'amateurisme. Parce qu'en se déstabilisant, forcément, on devient un petit peu moins performant, et puis là... le voisin musicien pourrait dire « Alors, mais il est nul, lui. » Et ça, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas de prendre ce type de risque-là et de... ça me fait aller ailleurs. Et j'ai besoin de ça. Sentir que je joue toujours de la même manière, la même chose, ça me tue. J'aurais été malheureux de faire partie d'un de ces ensembles qui tournent depuis 40 ans, toujours les mêmes chansons partout dans le monde. Oui, c'est bon pendant 2 ans, parce qu'on peut peaufiner, je l'ai fait avec le théâtre, avec Robert Lepage, entre autres, où on a tourné la même pièce pendant 2 ans, où je faisais la trame sonore seule, sur scène, un long spectacle de 7 heures. Ça m'a permis, au fil des centaines de représentations, de vraiment rentrer dans le matériau. Ça a été merveilleux, mais il faut que ça cesse. Michel, pour compléter notre rencontre de ce matin, bon, j'imagine qu'il y a des projets qui s'amènent, même si on est dans un drôle de climat à la fois social. Il reste que j'imagine que tu poursuis le travail de réflexion, de création, d'exploration. Donc, pour les mois qui viennent, il y a des projets qui s'annoncent, sur lesquels tu travailles. Oui, ben il y a ce projet covidien, je dirais, amorcé en mars dernier, en avril dernier, qui va se terminer en mars prochain, donc bientôt, qui était de publier un nouvel album par mois, chaque premier vendredi du mois. Donc, j'entrais dans un marathon d'une année. J'avais beaucoup de temps parce que beaucoup de projets ont été suspendus, des projets de collaboration. Donc, je me suis dit, ben allez, je fonce dans mon studio et puis je m'attaque à cette idée un peu folle de surproduire presque, donc de publier un album par mois. Hydropathe à degrés était celui de janvier. Le prochain sera l'album de... Dernier album de Thierry Kess, qui est un pseudonyme. Donc, j'ai publié plusieurs trucs sous son nom, pas seulement de la musique. Et Thierry Kess, c'est... si on rebalance les lettres, ça fait Eric Satie. Alors, les musiques publiées sous le nom de Thierry Kess empruntent d'une manière ou d'une autre à Eric Satie. Déforme évidemment le personnage. Thierry Kess, j'y lui ai inventé une vie. C'est un Bulgare. Premier prix de piano au Conservatoire de Paris, etc., etc. Sa biographie est en ligne, vous pourrez la consulter. Donc, prochain disque, disque de Thierry Kess. Je travaille ces jours-ci ardemment sur ce disque-là, puisqu'il va être publié dans à peine quelques jours. Il y aura ensuite le dernier disque donc, de cette série, UFO Omega, qui est une session réalisée en compagnie de Christophe Migonne, Martin Tétrault et Diane Labrosse il y a 20 ans, en quatuor que je n'avais jamais publié, que je redécouvre avec bonheur. Donc, je vais après finir de travailler ça, matricer ça aussi. Donc, ça va sortir. Puis après, je vais prendre une pause de disque parce que j'en aurai publié 15 au total en 2021. Et bien là, j'en publie donc 3 pour 2022. Et puis, je m'attable à des projets d'écriture. Il y a un livre qui va être publié bientôt et je travaille sur un autre en même temps. Donc, je vais peut-être ralentir un peu la musique. On verra, parce que il faut le mentionner, l'écologie à laquelle j'appartiens s'est quand même effondrée dans les deux dernières années. Ces petites salles de concert ici à Montréal, c'est la même chose partout au Québec. Et c'est la même chose aussi internationalement. L'écologie dans laquelle nous naviguions est à refaire. Donc, ça veut dire qu'on va voir ce qui va se produire. Je n'ai pas fait de concert depuis 2 ans, ce qui est sans précédent dans ma vie. Je ne suis pas le seul, évidemment. Alors ça, je vais observer ce qui va se passer. Donc, aussi moins de projets de collaboration avec les arts de la scène, puisque le théâtre ne roule plus, puisque la danse ne roule plus. On verra bien. Je co-dirige une compagnie de danse et on devrait, en principe, représenter à nouveau la pièce qu'on a présentée au Festival Transamérique l'été passé, mais en pleine période covidienne, il y a à peine 20 personnes par représentation qui sont venues voir le show. C'était un show lumière-son. La trame sonore était très importante. On appelait ça un triple solo pour une interprète sur scène, un éclairagiste et moi. Bon, enfin, bref, ces projets-là vont se poursuivre et ça va. Je manque pas d'idées, quoi. Tout à fait. Michel, artiste aux identités à la fois multiples et floues, je dirais. Grand merci de m'avoir accordé cette rencontre ce matin. C'était extrêmement, extrêmement intéressant. Ben, ça fait un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Salutations. Voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie de l'artiste, musicien Michel F. Côté. Grand merci à Michel de nous avoir permis l'écoute de ses œuvres solo et d'autres œuvres créées en collaboration. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, prochain dimanche, pour une autre aventure sonore. Au microphone, depuis les studios de CKRL dans Limoilou, à Québec, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue. Thank you.